bon ki nak même nar bu sank bi la quoi moy biñu cambalé lon légui nak mu jëgé fa nak way tabaxat gal ki bi quoi bouti bi way fepp am sang mu defa tabax tabax lepp ba nga xamanteni kenn du mëna ti dugg dina journal mu né bon comme légui nek na légui en sécurité kenn mënu dugg xara légui mu jëma nelaw parce que nay dawlo nelaw en fait légui comme dafa gëjjon nelaw teud rek saran la ni ki gay ñew xamu nan lañ def dal ba dajju buntu dugg satcha li nek ci boutique bi yeb bu mu jeex tak tak tak ba pare tejat buntu bi dem senior legui dal nar bi jeki jeki rek way do nalaw de ay 6h du matin yoy moy ñi mère yi nga xamantene ñoo tam di jënd quoi suba tel bi ni yoni won sen doomi quoi pour ñu jëndal len ben ki sunguf mew rek boy bi ñew ci porte bi rek feug kang kang kang nar nar bi ne kokala nar sama yaay neena nga jaay ma sunguf mew nar bi ne ni tek juk commencé fuddu kulli ci jek kulli ben beud bi ni gisul dara xulaat benen beud bi niat ni gisul dara rek mu gëmat rek mu ne dama lox sa yaay nek damay yenté paréguma nar bi tene du yow de neena day genté rek